Tu sais, sur la gauche de ton jean de tabac, tu as le truc là avec le curseur, là, tu sais, le fader. Et en dessous du fader, tu as des trucs où tu peux rajouter des plugins sous des effets. Et en dessous, tu as In1. Et là, tu choisis l'entrée de ta carte son, quoi. Alors, tu peux aller dans. C'est dans. Que je raconte pas l'histoire. Dans Préférences. Et tu peux aller dans. Thank you. Thank you.